طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل أيها الإخوة في التأمل في كلام ربنا وخالقنا en continuant chers frères la méditation sur la parole de notre Seigneur notre Créateur tabaraka wa ta'ala. Et certes, on était arrivé à sa parole lorsqu'il dit « Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfira lahum maghfiratun wa ajrun kabir. » Certes, ceux qui craignent leur Seigneur bil ghaib, c'est-à-dire en intimité lorsqu'ils sont seuls, lorsqu'il n'y a personne avec eux, alors, ceux qui sont comme tels, ils auront un pardon et une grande récompense. فقد رأينا في الأسبوع الماضي أن الله تبارك وتعالى ذكر حال الأشقياء في النار. On a vu la semaine dernière que Allah تبارك وتعالى a cité la situation des malheureux dans le feu, les gens de l'enfer, al-kuffar. فبعد ذلك يذكر الله تبارك وتعالى حال السعداء. Et après cela, Allah تبارك وتعالى cite la situation des bienheureux. La situation des bienheureux, تبارك وتعالى. وهذا هو الأسلوب القرآني أو أسلوب القرآن. Et ceci est la méthode employée par Allah تبارك وتعالى dans le Coran. فيذكر تارة النار وبعد ذلك الجنة وتارة السعداء والأشقياء الأعمال الصالحة السيئات. الله تبارك وتعالى va donc citer parfois le paradis, ensuite l'enfer, où il va parler des bienheureux, des malheureux, des bonnes actions, des mauvaises actions, tout cela pour nous inciter au bien, nous appeler à faire des bonnes actions et nous mettre en garde contre les mauvaises actions et leurs conséquences. فهؤلاء الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. Et donc ces gens-là qui craignent leur Seigneur, même dans leur intimité, alors ces gens-là auront un pardon. وقد ذكرنا كثيرا ومرارا أن العبد قد يظهر التقوى والصلاح في المسجد أمام الناس ولكن الأمر كيف يكون هذا العبد إذا وجد نفسه في مكان لا يطلع عليه أحد illa Rabbul Alamin. Et donc on a déjà cité plusieurs fois que l'individu peut montrer la piété en public lorsqu'il est avec des gens dans la mosquée, mais comment va-t-il être lorsqu'il se retrouve seul dans un endroit où personne ne peut savoir ce qu'il fait sauf Allah Tabaraka wa Ta'ala. Va-t-il continuer à faire preuve de piété ou alors va-t-il faiblir ? أيها الإخوة يجب علينا أن نجاهد أنفسنا في تقوى الله تبارك وتعالى في كل مكان. Oh chers frères, nous devons faire des efforts sur nous-mêmes pour craindre Allah تبارك وتعالى partout. اتق الله حيثما كنت قال صلى الله عليه وسلم Crains Allah où que tu sois, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadhihi hiya salafiyya. Et c'est ceci la salafie. Le fait que tu respectes la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala à tout instant. Ce n'est pas juste de montrer ou de faire preuve de piété en public. Mais il faut être pieux à tout instant si tu veux cette récompense. Maghfira, un pardon. Allah tabaraka wa ta'ala yaghfiru dhunub, qu'Allah pardonne tes péchés. فَإِذَا غَفَرَ ذُنُوبَكَ كَيْفَ يَكُونُ حَالُكَ. Et si Allah te pardonne tes péchés, comment est ta situation? Si tu n'as pas de péché, comment est ta situation? C'est que tu rentres au paradis. C'est pour ça qu'il cite après cela وَأَجْرٌ كَبِيرٌ, ainsi qu'une grande récompense. Ils auront un pardon et une grande récompense. Ils nous disent les ulama, une grande récompense, le paradis. Et la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ça la voie des pieux prédécesseurs. C'est celle-ci la voie des pieux prédécesseurs. Ils craignaient Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'ils étaient ensemble et même lorsqu'ils étaient isolés. Rappelez-vous ce hadith dans Sahih Muslim. Cet homme qui dit à Abu Bakr, Nafaqt, j'ai fait preuve d'hypocrisie. Mais pourquoi, comment ça? Lorsque je suis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je suis dans une situation. Et lorsqu'on le délaisse, je suis dans une autre situation. Abu Bakr qui lui dit, mais nous aussi on est touchés par la même chose que toi. Ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont expliqué ce qui leur arrive lorsqu'ils sont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils font leur appel d'Allah, comment est leur foi, et qu'ensuite, après cela, ils se retrouvent préoccupés par la famille, les épouses, les enfants, le travail. Et donc, ils sont dans une autre situation. Ici, juste ce changement de situation leur a fait peur. Juste ce changement, le fait de passer du dhikr, le rappel d'Allah, aux occupations de dunya, ça leur a fait peur. On n'a même pas encore parlé des péchés. Subhanallah. Et donc ces gens-là, ils avaient peur. Et c'est ainsi que nous devons être. Craindre Allah tabaraka wa ta'ala à tout instant et en tout lieu. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, ou avant cela, excusez-moi, je vais vous lire une très belle parole de Cheikh Sa'di rahimahullah. Sa'di qui dit ici dans l'explication de ce verset, Aï fi jami'i ahwalihim, hatta fil halati allati la yattali'u alayhim fiha illa Allah, fa la yaqdimuna ala ma'asih. وَلَا يُقَصِّرُونَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ. Et donc il dit, rahmatullahi alayhi. Et donc ils vont craindre Allah tabaraka wa ta'ala dans toute situation. Même dans les situations où il n'y a que Allah tabaraka wa ta'ala qui sait ce qu'ils font. Ils ne vont donc pas accomplir de péché. Ils ne vont pas donc lui désobéir. Et ne vont pas faire preuve de manquement dans ce qu'il leur a ordonné. Ça aussi c'est important. Ça aussi c'est important. Parfois, il y a certains, lorsqu'ils sont à la mosquée, mashallah, la prière elle est faite à l'heure. Mais lorsqu'on n'est pas à la mosquée, est-ce que la prière elle est faite à l'heure? Lorsque tu es tout seul chez toi. Et donc ça, c'est important, ça aussi. Lorsque tu vas prier à la maison, est-ce que tu vas faire en sorte que ta prière soit correcte, comme tu fais des efforts quand tu es à la mosquée? Est-ce que tu vas faire en sorte que ta prière soit correcte, même si ton père n'est pas là? Hein? Pour les enfants, lorsque papa n'est pas à la maison, parfois on va être négligent, on fait la prière en 1 minute 30. 1 minute 30, on a fini 4 raka'a plus la sunna avec. Ça, j'ai fini. Non. Ceux qui vont craindre Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'ils sont isolés, ils vont s'assurer qu'il n'y a pas de manquement dans leurs actes d'adoration, même lorsqu'ils sont isolés. Ils vont donc délaisser les péchés et aussi accomplir les obligations correctement. Et ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati as-sudur. » Cachez vos paroles ou alors rendez-les publiques. Certes, il est grand connaisseur de ce qu'il y a dans les poitrines. فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَخْبَرَنَا بِسِعَةِ عِلْمِهِ. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala nous informe de sa connaissance, de sa science vaste. Il connaît toutes choses. Tu peux cacher ce que tu as en toi, mais il le connaît. Tu peux cacher ta parole, la mauvaise parole que tu dis sur un tel ou sur un tel, en espérant qu'il ne soit pas au courant. Ah, mais ne lui dis pas. Ne lui dis pas ce que je t'ai dit. Attention, hein. Tu peux cacher comme tu veux. Mais Allah tabaraka wa ta'ala connaît parfaitement ce qu'il y a dans les poitrines. Les savants nous disent فَإِنْ كَانَ عَلِيمًا بِمَا فِي الصُّدُورِ فَكَيْفَ بِالْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ. Ils nous disent, si Allah tabaraka wa ta'ala connaît parfaitement ce qu'il y a dans les poitrines, ce que cachent les poitrines, alors que dire des paroles et des œuvres? Les paroles qu'on peut entendre et les œuvres qu'on peut voir. Et donc, on ne peut rien lui cacher, tabaraka wa ta'ala. Ne cherche pas à lui cacher, ne cherche pas à le tromper, tu te trompes toi-même. Innahu alimun bi dhati as-sudur. Bel, Allah tabaraka wa ta'ala ya'lamu ma mada min umurina wa ma istaqbala minha. Mais plus que cela encore, il connaît ce qui est passé, ce que nous avons fait, il connaît aussi notre futur. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Ils connaissent ce qu'il y a devant eux et derrière eux. C'est-à-dire leur futur et leur passé. Ils connaissent tout, tabaraka wa ta'ala. On ne peut rien lui cacher. Et ensuite il dit أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Alors là pour la traduction, avant de traduire, on va expliquer. C'est plus simple. Pourquoi? Parce qu'il y a deux explications. Qila la ya'lamu man khalaq. Ay la ya'lamu Allahu makhluqahu alladhi khalaqahu. Il fut dit la ya'lamu man khalaq. C'est-à-dire, Allah ne connaît-il pas ce qu'il a créé? C'est lui qui a créé l'être humain, ne le connaît-il pas parfaitement? L'être humain ne peut rien lui cacher, puisque c'est lui qui l'a créé. وَقِيلَ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ أَيْ أَلَا يَعْلَمُ الْمَخْلُوقُ الَّذِي خَلَقَهُ. Et il fut dit, le sens de ce verset, c'est la créature ne connaît pas celui qui l'a créé. Et donc, on va avoir deux traductions possibles ici. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé? Ou alors, ne connaît-il pas celui qui l'a créé? La première traduction, ne connaît-il pas ce qu'il a créé, c'est-à-dire Allah. Il connaît parfaitement ce qu'il a créé. Et la deuxième traduction, c'est-à-dire la créature, ne connaît-il pas celui qui a créé toutes choses? Ne connais-tu pas ton Seigneur? Ne sais-tu pas qu'il connaît tout sur toi? Tu ne peux rien lui cacher. Et les deux explications sont correctes, comme on a vu. Parmi les règles du tafsir, s'il y a deux interprétations possibles ou plusieurs, et qu'il n'y a pas de contradiction entre les interprétations, alors elles sont toutes correctes. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala nous montre encore qu'on ne peut rien lui cacher. Parfois, on a cet exemple avec nos enfants. Lorsque nos enfants viennent et qu'on leur dit « Pourquoi tu as fait ça ?»« Non, je n'ai pas fait ça comme ça. » »« Mais tu ne vas pas me dire ça à moi, je te connais, c'est moi ton père. »« Je te connais. » Et donc ici, on a cette relation entre le père et le fils. Le père qui connaît bien son fils. Et qui sait que parfois, à tel moment, tel jour ou telle heure, il va être un peu tête en l'air sur tel sujet, ou il va faire telle et telle bêtise, et donc son père, il le connaît. Alors que son père n'a pas la science infuse, il ne connaît pas tout, mais il connaît son fils. Que dire d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui connaît toutes choses, et celui qui nous a créés? Et donc on ne peut rien lui cacher, tabaraka wa ta'ala. Et là, ya'lamu man khalaq. Alors que c'est lui, Al-Latif. Al-Latif, ce nom parmi les noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala, a deux sens. Alladhi ya'lamu khabaya al-umur, celui qui connaît les choses les plus subtiles, les choses cachées, wa ma fi soudour, il connaît ce qu'il y a dans les poitrines. On ne peut rien lui cacher, Al-Latif. Ne connaît-il pas celui qui l'a créé, alors que c'est lui, Al-Latif, celui qui connaît toutes les choses les plus subtiles. Et parmi les significations du nom Al-Latif, Alladhi yuhsinu ila ibadihi min haythu la yahtasibun. Subhanallah. Il y a celui qui va faire preuve de bonté envers ses serviteurs sans qu'il ne le sache, sans qu'il ne le sente. Et ça, on le vit tous les jours. Actuellement, aucun d'entre nous n'a cherché à compter combien de fois il a respiré depuis le début du cours. Pourtant, Allah tabaraka wa ta'ala aurait très bien pu faire en sorte que l'un d'entre nous ne finisse pas le cours. Et d'ailleurs, le cours n'est pas fini. Mais chaque instant que tu passes, chaque respiration que tu as, fait partie de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa bonté envers toi. Et souvent, on n'y accorde pas d'importance. On avait cité dans Kitab al-Tahara le fait que l'individu ait la capacité d'aller aux toilettes pour accomplir ses besoins, cela fait partie des bienfaits d'Allah sur lui. S'il n'avait pas cette capacité de pouvoir faire ses besoins et de sortir cette impureté qu'il a en lui, cela aurait pu être dangereux pour sa vie. Mais souvent, on va aller aux toilettes, on ressort et on n'y pense même pas. On ne se dit même pas que, alhamdoulilah, il nous a facilité. Le robinet d'eau, l'électricité, etc. Énormément de choses. On ne les ressent pas. Parfois, on a le rappel lorsqu'on voit une personne qui est éprouvée par cela. Le fait que tu marches tranquillement, mashallah, tu te lèves facilement, tu marches. On ne se rend pas compte du bienfait qu'Allah nous a donné. Et lorsque tu vois une personne qui a un handicap, là, tu te rends compte. Ah ouais. C'est vrai. Ashkurullah tabaraka wa ta'ala. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala a fait preuve de bonté envers nous à tout instant. Et nous ne le ressentons pas. Souvent, nous ne méditons pas sur cela. Ça fait partie des sens de Al-Latif. Al-Khabir, celui qui connaît toutes choses. Et ensuite, il dit Tabaraka wa ta'ala, huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula. Parmi les exemples de la bonté d'Allah envers nous, et les sujets sur lesquels on ne médite pas ou on n'y pense pas souvent, il y a le fait qu'il a assujetti pour nous la terre. Mashallah, tu es sorti de chez toi, tu as pris ta voiture, tu as roulé sur une route toute lisse, tu as avancé tranquillement, peut-être même les seuls bosses que tu as sentis, c'est les dodanes. On sait que ça, c'est pas dans tous les pays. Je sais que c'est pas dans tous les pays comme ça. Hein? Et donc, tu es venu tranquillement, aucune difficulté, mashallah. Tu es descendu de ta voiture et tu arrives au Dars. Allah tabaraka wa ta'ala aurait pu faire qu'on ne puisse pas faire de route. Qu'à chaque fois que tu fais une route, comme c'est le cas dans certains endroits sur Terre, à chaque fois que tu fais une route, eh bien ça s'enfonce. 6 mois après, il faut refaire des travaux, ça s'enfonce. Après, il faut refaire des travaux, il y a la terre, etc., qui s'enfonce, etc. Il y a plusieurs trous un peu partout sur la route, parce que l'endroit n'est pas adapté pour. Tu peux faire ce que tu veux, ça s'enfonce. Allah tabaraka wa ta'ala aurait pu faire qu'on ne puisse pas construire nos maisons. Mashallah, la mosquée elle est là, tu profites, tu es chez toi, tranquille, alhamdoulilah. Il a assujetti pour nous la terre, pour qu'on puisse l'utiliser, pour qu'on puisse marcher sur celle-ci, nous déplacer, construire nos maisons, nos lieux de travail, pour qu'on puisse donc aussi cultiver. Mais on ne médite pas sur ça. On ne médite pas sur tout cela. Tu sors chez toi, alhamdoulilah, tu marches. Et ce qui est mauvais, c'est parfois certains de nos frères, lorsqu'ils vont aller dans un pays musulman, ils ne vont pas voir tout le bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné dans ce pays. On ne va pas regarder tout le bien qu'il nous a donné. Et toutes les bonnes choses qu'il nous a données. On va dire, subhanallah, la route, elle est pas lisse. Subhanallah, il y a des bosses. Ça abîme mes pneus ou je sais pas quoi. On ferme les yeux sur tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné dans les pays musulmans. Et on va commencer à critiquer concernant les épreuves qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordées aux musulmans. Et voilà pourquoi il faut qu'on fasse attention, surtout pour les parents. Ne faites pas en sorte que vos enfants aient en eux l'amour. L'amour de ce confort qu'il y a en Europe. L'amour de cette eau qui descend tout de suite dès que tu allumes sur le, dès que tu tournes le robinet. Ou maintenant, on ne tourne plus le robinet maintenant. Tu le montes, tu le descends, tu mets ta main, ça descend, etc. Pas de panne d'électricité, l'ordinateur ne s'éteint pas en plein cours, alhamdoulilah. Et donc ne faites pas en sorte que vos enfants, ou que vous-même, vos familles, soient attachés à cela. Car comme vous pouvez le constater, c'est un frein pour la hijra, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Regardez toutes les bonnes choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordées dans les pays musulmans. Wa huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalula. Famshu fi manakibiha. Alors parcourez ces recoins à la terre. Parcourez ces voies pour aller chercher la subsistance. Déplace-toi pour aller chercher la subsistance. Fais les causes. Wakulu min rizqihi wa ilayhi nushur. Et mangez de sa subsistance qu'il vous a accordée. Et c'est vers lui qu'est la résurrection. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, ici, il nous montre que al-qiyamu bil asbab la yunafi at-tawakkul. Le fait d'accomplir les causes ne contredit pas at-tawakkul, le fait de mettre sa confiance en Allah. Cela ne contredit pas at-tawakkul. Il nous dit donc d'accomplir les causes. Famshu fi manakibiha, marcher dans ses recoins à la terre, marcher sur ses voies, parcourir les voies de la terre. Puis, et mangez de sa subsistance qu'il vous a accordée. Et donc, c'est la subsistance d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous a accordée. C'est sa subsistance qu'il a créée pour nous. Et donc, le serviteur, le fait qu'il accomplisse les actes ne contredit pas. Le fait qu'il accomplisse les causes ne contredit pas. At-tawakkul. Et cela, on l'applique, barakallahu fikoum, dans la hijra, c'est important. Fais les causes, cela ne contredit pas le tawakkul. De faire les choses correctement, mais de ne pas tomber dans le piège, tu restes là un an, deux ans, trois ans, et tu me dis, fais les causes. Non, ce n'est pas ce qui est voulu. Il ne nous est pas demandé de nous enrichir dans les pays musulmans, il nous est demandé de vivre dans les pays musulmans. Et ensuite, il nous dit wa ilayhi an-nushur, et c'est vers lui qu'est la résurrection. Et donc, il va nous juger en fonction de notre obéissance et de notre désobéissance. Alors, nous devons faire attention aux serviteurs d'Allah, à craindre Allah tabaraka wa ta'ala dans toute situation, et de nous efforcer d'accomplir correctement ce qu'il nous a ordonné de faire. La salat, la zakat, le hajj, la hijra, la da'wa, tous les ordres qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a fait, nous devons donc les accomplir correctement. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on continue la semaine prochaine. Wa faqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.